Environ un quart des accidents mortels de la circulation ont une cause liée à l'alcool. Mais ces accidents ne sont pas dus à des personnes dépendantes de l'alcool. En fait, il semble que le risque soit essentiellement lié à une fraction modeste de conducteurs qui négligent totalement le risque alcool. Le portrait robot de ce type de conducteur est un homme jeune, vivant seul, conduisant le vendredi ou le samedi soir et effectuant un trajet court avec des passagers. Dans 85% des accidents mortels dus à l'alcool, les responsables sont des buveurs occasionnels qui font la fête en fin de semaine. Réponse B.